Les arts visuels à Québec. Jean-Tien de la France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Bonsoir. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. C'est Jean-Tienne La France qui est à l'animation pour la prochaine heure. Avec vous, on va parler d'art. D'abord avec l'artiste Emmanuel Breton, qui explore différentes techniques de l'estampe dans son exposition qui est présentée à la Galerie Uno. Elle va nous en parler au téléphone en première partie d'émission. Ensuite, il y a Claire Dumoulin qui va nous faire un retour sur un entretien qu'elle a fait avec Thomas Bouquin à propos de son exposition dans l'espace européen à vue. Et notre cher Audrey Carreau nous revient pour une chronique sur l'exposition Neo Historiato qui est présentée en ce moment à la Galerie Materia, donc une exposition de peinture sur céramique avec un univers complètement fascinant. Et en toute fin d'émission, notre chroniqueuse Delphine Aguesbar est allée faire un tour à l'Œil de Poisson. Donc, elle va nous parler des toutes nouvelles expositions qui sont en cours à l'Œil de Poisson. Donc, on a Andréane Jacques qui est dans l'entrée, Dominique Sirois qui est dans la galerie et Simon Deroy qui a reçu le prix Tombé dans l'œil qui est dans la petite galerie. Et on va se laisser avec un court extrait de la sélection musicale de Simon Roy, donc cette semaine qui nous propose Rob Boy, donc qui nous vient de Mans, du Mans, en France. Une musique qui nous rappelle un peu le New Wave avec un synthétiseur très très présent. Donc c'est tiré de l'album Le Petit Chat Doit Mourir. Voici un extrait de la pièce Rien. Bonsoir, Emmanuel Breton. Bonsoir. Donc, Emmanuel, tu es une artiste principalement de l'estampe, je crois. Oui, c'est ça exactement, des œuvres sur papier. Et tu présentes l'exposition « Samarée de conscience » actuellement à la Galerie Uno. Ce titre est assez intriguant. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'où provient le titre « Samarée de conscience » ? En fait, c'est tout simplement pour conscientiser les gens à nos gestes, les gestes qu'on pose. À chaque fois qu'on consomme, qu'on fait des achats, on pose certains gestes. Donc, il faut avoir conscience, quand on fait un achat, des conséquences de cet achat-là. Donc, ça m'arrête de conscience, c'est un peu de dire, allô, allume, quand tu fais un achat, il y a une conséquence à ça. Des fois, c'est positif, d'autres fois, ça peut être moins positif. Donc, c'est d'éveiller la conscience un petit peu à ça. Et les œuvres que tu présentes vont combiner plusieurs médiums de l'estampe. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes techniques que tu combines dans les œuvres que tu présentes à la Galerie Uno en ce moment? En fait, ces œuvres-là, ce sont surtout des linogravures. C'est-à-dire que depuis quelques années maintenant, je vais graver sur du linoléum des petites matrices de 2 pouces par 2 pouces et je les additionne, je les combine ensemble sur un lit de presse pour faire mes différentes impressions. S'ajoute à cela du shincolé, c'est-à-dire que ce sont des papiers asiatiques que je colore moi-même et je vais à ce moment-là découper des parcelles de ces papiers-là collés pour les encoller lors de l'impression, c'est-à-dire pour rajouter une petite punch de couleur, une petite touche colorée particulière selon le type d'œuvre que je vais faire. Si, par exemple, je parle plus d'eau, je vais ajouter des bleus, des violacés pour vraiment qu'on puisse entrer dans l'œuvre d'une autre manière. Et les formats des œuvres que tu présentes vont être soit carrés, mais il y a également des œuvres qui sont plus de format allongé, donc avec plusieurs images, avec la variété de médiums dont on vient de parler. Est-ce que c'est une manière de souligner un peu la narrativité dans les œuvres? Est-ce que c'est dans l'intention de donner un sens de lecture? Oui, effectivement, il y a vraiment un côté narratif, mais en même temps, pour qu'on puisse se perdre dans l'œuvre, jouer aussi sur les formats parce que je suis une artiste. Donc, la création, c'est ça aussi, c'est s'amuser avec les formats, tout dépendant de l'idée qu'on a. Comme dans ce cas-ci, j'ai quand même plusieurs œuvres verticales, où là, c'est vraiment une verticalité qui est très mince. Donc, on doit vraiment faire un mouvement de va-et-vient avec notre tête pour aller percevoir chacun des éléments de l'œuvre. Entre autres, dans ces œuvres-là, il y a plusieurs gaufrages d'éléments que j'ai sculptés. Donc, dans ce cas-ci, ça peut être le poisson ou d'autres éléments que je vais ajouter pour créer de la texture dans le papier. Donc, quand on parle de gaufrage, c'est un élément texturé qui est passé sous presse avec le papier. Donc, il y a une empreinte qui est laissée sur le papier. Et je pense que cette notion d'empreinte fait vraiment partie prenante de ta démarche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu abordes cette notion-là d'empreinte? Oui, en fait, c'est que je travaille depuis plusieurs années sur l'identité. Et puis, pour me rendre compte que l'empreinte, c'est-à-dire la marque qu'on laisse, parfois en utilisant des meubles, donc carrément gratté ou une marque, une poque, comme on pourrait dire aussi, donc ça laisse une trace. Mais par nos gestes aussi, on laisse des traces. Donc, c'est pour ça que le gaufrage est d'autant plus important dans mon travail, puisque c'est ma façon de parler de la trace qu'on laisse d'une génération à l'autre. Par exemple, nos valeurs, ce sont des traces que nos grands-parents, nos parents vont pouvoir nous avoir laissées en nous, dans l'être humain. Mais là, dans ce cas-ci, dans le papier, c'est vraiment les lignes, les gaufrages qui laissent physiquement une trace dans le papier. Donc, ça permet comme ça d'aborder la trace d'une autre manière. Et les motifs que tu emploies sont des motifs généralement très organiques. Les éléments iconographiques sont souvent tirés de la nature. La nature prend une place importante dans ton travail. J'en ai parlé également en présentant l'émission, en te présentant ton travail tout à l'heure. Ton atelier se trouve à Lac et Chemin, à une heure de Québec, donc en pleine campagne. Qu'est-ce qui t'amène à explorer ce sujet de la nature et qu'est-ce qui t'amène à aimer travailler en campagne? En fait, c'est assez vaste. j'aime profondément la ruralité de la campagne, c'est-à-dire à partir dans un rang, regarder les paysages, c'est très inspirant, l'air y est pur, j'aime les champs de labour, j'aime aussi beaucoup la forêt. Donc ça, c'est quelque chose, j'ai baigné dans cette atmosphère-là pendant toute mon enfance. Donc quand on parle aussi que j'ai une démarche qui est identitaire, qui est racinaire, donc mes racines proviennent de la campagne, proviennent des îles de chemin. Donc c'est certain que mon travail est teinté de cette empreinte racinaire-là. C'est pour ça que de mon iconographie, on va retrouver tantôt la maison, tantôt la barque, tantôt l'hameçon, tantôt l'oiseau ou le poisson, parce que ce sont des éléments iconographiques qui sont très importants dans mon environnement, donc dans l'atelier, tout près de l'atelier. Tous ces éléments-là sont près de l'atelier, mais ils proviennent également de mes racines. Donc, c'est pour ça que c'est comme un double sens. Et pourquoi mon atelier, il est en région? C'est une question aussi d'espace. Pour le même coût en ville versus à la campagne, on peut avoir un atelier beaucoup plus grand. Donc, je suis autosuffisante de cette manière-là. Et ça me permettait également, en étant en région, de faire du développement culturel. Donc, d'apporter mon travail, mais aussi mon expertise en région. Donc, c'est vraiment... puis, on le sent dans ta démarche, cet aspect où il y a la conscience environnementale aussi qui sous-tend tout cet intérêt pour la nature dans ton travail. Oui, parce qu'on sait très bien qu'une nappe phréatique qui est contaminée, c'est une nappe phréatique où l'humain ne pourra plus la consommer. Donc, cette eau-là n'est plus bonne à la consommation, mais c'est également une eau qui va faire en sorte que les animaux qui s'en abreuvent vont tomber malades, par exemple, ou certaines espèces vont disparaître. Donc oui, j'ai une conscience écologique qui est développée à cet égard-là parce que je considère que les gestes que je pose sont importants aujourd'hui pour notre futur, pour les enfants qu'on a. Si on veut qu'ils grandissent dans un écosystème qui est encore sain, eh bien pour ça, il faut qu'on fasse des efforts pour... Donc, c'est tous ces éléments-là qui font en sorte que ça se représente dans mon travail et aussi dans ma pensée. Et si on revient aux œuvres qui sont présentées actuellement à la Galerie Uno Emmanuel Breton, j'ai remarqué aussi certains... Parce que c'est comme des espèces de petits ensembles de différentes images qui sont assemblées, mais certaines images ne représentent que du noir. Ce sont des carrés noirs. J'y voyais moi-même un certain désespoir face à l'avenir ou face à justement cette conscience environnementale. Là, est-ce que je me trompe? En fait, c'est pas nécessairement quelque chose qui est particulièrement noir. Oui, c'est vrai que c'est un carré noir, mais ce carré-là représente en fait le choix. La ligne n'est pas encore tracée. C'est-à-dire que c'est toujours temps de faire quelque chose. Donc, dans ce cas-là, c'est comme un carré de réflexion où soit que c'est un trou noir, comme dans l'univers où tout est aspiré puis c'est négatif, ou au contraire, c'est un espace de réflexion. C'est à nous de poser un geste. Dans ce cas-ci, je n'ai pas gravé la matrice, donc ce geste-là, c'est un geste de réflexion. Et pourquoi le carré? Bien, le carré, ça représente aussi la nature, ça représente les quatre saisons, ça représente également différents continents. C'est très vaste. Quand on regarde dans l'iconographie du carré en lui-même, il y en a long à dire. Donc, c'est pour ça. Le fameux carré noir, c'est également, bien sûr, une touche graphique qui ajoute à mon propos, qui fait en sorte qu'on va se poser des questions. Et j'ai souvent aussi associé, par exemple, quatre carrés ensemble, parce qu'on y retrouve l'aspect de la fenêtre. Vous savez, le petit carreau qu'on voit souvent dans les vieilles maisons à la campagne, mais c'est de cet ordre-là aussi. De penser à, quand on regarde par une fenêtre, on est un peu voyeur, mais on peut regarder vers le passé ou vers le futur aussi par les actes qu'on va poser. Donc, c'est tous ces petits éléments-là qui, ajoutés les uns aux autres, font en sorte que, en fait, j'ai une pensée qui est articulée. Mais à prime abord, quand on va regarder mon travail, c'est quand même facilement accessible, puisque c'est des symboles qui vont toucher monsieur, madame, tout le monde, qui sont peut-être moins habitués de côtoyer de l'art contemporain actuel, mais en même temps, quelqu'un qui s'y connaît va pouvoir pousser plus loin sa réflexion. Et samedi, de 13h à 16h, pour les gens qui sont intéressés, ça va être l'occasion de pouvoir te rencontrer à la Galerie d'art UNO. C'est au 809 Avenue Cartier. C'est au deuxième étage. Merci beaucoup, Isabelle, Emmanuel Breton, pour ce bel entretien. L'exposition est présentée jusqu'au 2 décembre. Oui, exactement. Donc, ça va me faire plaisir d'accueillir les gens. Et puis, dites-vous qu'au rez-de-chaussée, vous avez le café Castello. Donc, vous pouvez ramasser un café en passant et venir le consommer en admirant des œuvres d'art. Et ça va me faire plaisir d'échanger avec vous sur soit la technique ou carrément la démarche artistique en tant que telle. Donc, je suis à votre disposition tout l'après-midi. C'est une excellente idée. Donc, samedi, café et art sur l'avenue Cartier. Et nous, on se laisse pour une courte pause audio avec un extrait de Alptraum. Alors, j'ai avec moi en studio Claire Dumoulin qui a rencontré au téléphone Thomas Bouquin qui présente l'exposition Le Roc d'Hercé à Vue en ce moment dans l'espace européen. Donc, c'est une exposition de photographies en noir et blanc. L'artiste a un peu fait des recherches dans l'histoire de sa famille et des mouvements migratoires qui ont eu lieu dans... C'est une culture très, très spécifique là, dont Thomas Bouquin... que Thomas Bouquin aborde dans son travail. Oui, exactement. Donc, dans l'exposition, les visiteurs peuvent sentir qu'il y a une quête qui anime l'artiste. Mm-hmm. C'est comme si l'artiste interroge les lieux qu'il photographie. Plusieurs lieux sont vides, d'autres sont habités. On reconnaît des paysages aussi, donc on comprend qu'il y a un voyage qui s'est fait entre de part et d'autre là, de l'Atlantique. Je laisse l'artiste Thomas Bouquin nous expliquer sa démarche et la genèse du projet. Un projet qui prend racine dans une histoire personnelle et familiale, avec qui parle de plusieurs vagues d'immigration entre le village d'Hercé et la ville de New York. Le village d'Hercé, à savoir, est là où est né mon grand-père maternel. Et c'était un village qui était fameux au 19e siècle en France, car c'était on l'appelait la capitale des montreurs d'ours. Donc il y avait des familles qui élevaient des ours pour faire des numéros. Spectacles dans la rue. Ils voyageaient dans toute l'Europe, dans le monde, et gagnaient leur vie de cette façon. Et certains sont allés à New York, et à partir de là, sont revenus avec des dollars américains, et comme c'était une région assez pauvre, ça a initié d'autres vagues d'immigration, et des gens allaient émigrer aux États-Unis, et à New York en particulier. Et à savoir que dans ma famille, mon arrière-arrière-grand-mère, à peu près en 1890, elle a laissé ses enfants et sa famille pour aller faire quelques années à New York. On pense comme dans un restaurant, dans un hôtel, afin de pouvoir payer la ferme familiale où est né mon grand-père. Donc, cette histoire, je la connais depuis que je suis enfant. Et j'ai décidé d'en faire un projet artistique. Quand il y a quelques années, ma mère m'a parlé qu'à New York, il existait une roche qu'on nommait le Roc d'Hercé, où les immigrants d'Hercé se réunissaient chaque dimanche pour échanger des nouvelles du pays, s'entraider, se prêter de l'argent et se retrouver tout simplement. Donc à partir de là, a commencé mon projet de recherche, de trouver cette roche premièrement, et ensuite contacter des descendants du village d'Hercé à New York, retourner sur les traces aussi familiales et des premiers montreurs d'ours dans les sentiers qu'ils ont parcourus pour trouver les ours, retourner dans la ferme familiale. Donc c'est un projet qui mélange un gros travail de recherche, de prise de vue et aussi d'archivage. Tout au long du projet, j'ai collectionné des images d'archives qui montraient les montreurs d'ours, car c'est un métier qui n'existe plus depuis la Première Guerre mondiale. Donc je souhaitais l'intégrer comme point de départ dans l'exposition et le projet. Donc c'est ça, il y a une partie collection d'objets sur des cartes postales, des vues stéréographiques, des enveloppes, des revues anciennes, gravures. Oui. Alors, j'aime bien brouiller un peu les pistes puis mélanger tout ça. Alors, voilà, donc c'est vraiment une sorte d'enquête ethnologique. Moi, c'est ce qui m'a vraiment plu, puisqu'on... Aussi, l'artiste s'attarde donc à l'histoire régionale un peu de sa région d'origine. RC, c'est dans les Pyrénées en France. Oui. Et ça rejoint donc l'histoire régionale qui rejoint l'histoire familiale, la petite histoire. Et au fond, on s'intéresse aussi à des mouvements migratoires. Et il a donc été tant retourné, il était retourné en RC et allé aussi à New York pour aller rencontrer ses descendants-là. Puis c'est une culture qui est fascinante. C'est comme une culture de dresseurs d'ours. Exactement. Qui se retrouve comme dans un petit village dans les Pyrénées. Il y a quelque chose du domaine de... C'est très intriguant, là. Oui, c'est fantastique. Oh, oui. Vraiment, on rêverait d'avoir ça dans notre histoire familiale. Et puis donc, dans l'exposition, il y a un mélange entre les documents d'archives. Donc, il y a un stéroscope et il y a des... où on voit vraiment des images d'archives des montreurs d'ours. Et il y a des individus qu'on voit. Et je lui ai demandé qui étaient ces individus et il m'a répondu. Oui. Alors, j'aime bien brouiller un peu les pistes puis mélanger tout ça. Il y a des gens de ma famille. Il y a un cousin, un grand-oncle. Mon grand-oncle qui vit encore dans la ferme familiale, donc mon arrière-grand-mère pour laquelle est partie à New York pour payer. Mon grand-oncle vit encore là à 88 ans. Encore quelques années, il avait des vaches, puis c'était une famille de fermiers. J'ai mon cousin qui vit dans la même région. Sinon, il y a des gens que j'ai rencontrés à New York, comme il y a une photo où c'est un chef de restaurant. Donc, c'est un restaurant qui a été ouvert dans les années 50 par un RC1. Et aujourd'hui, c'est son fils qui est le chef, qu'on voit le restaurant Le Rivage. Et il y a un portrait de lui et son fils, qui est lui complètement new-yorkais, si on veut dire. Il y a des images... des portraits de personnes qui sont sur la roche, mais qui ne sont pas nécessairement connectées directement à ma famille, au village d'Hercé. Je m'intéressais aussi à la fonction de la roche aujourd'hui, vu que c'était un point de rencontre et de rendez-vous à une certaine époque, mais qui n'est plus utilisé par les quelques peu descendants d'Hercé qu'il reste aujourd'hui. Mais la roche, ce qui est fascinant, c'est qu'elle elle continue d'avoir cette espèce de fonction, de lieu de rencontre. J'ai pu découvrir des jeunes qui donnaient rendez-vous à cette roche, des couples qui donnaient rendez-vous puis qui pique-niquaient à côté. C'est dans Central Park, c'est vraiment un lieu central dans Central Park. Ça explique aussi le choix de cette roche. Et voilà, donc c'est un mélange de gens de ma famille, de descendants d'RC que j'ai rencontrés à New York que je ne connaissais pas avant et d'inconnus que j'ai croisés pendant mon travail. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a ce phénomène culturel-là du point de repère qui se retrouve autour de ce roc-là en plein Central Park. Oui, oui. Et des rencontres qu'il a fait, c'est fascinant parce que chez les gens, les descendants RC1 qu'il a rencontrés à New York, dans les deux restaurants qui s'appellent même, ils ont des noms français, il a reconnu le décor qui était similaire au décor de chez son grand-père. Bref, il y avait même un chamois empaillé. C'est comme un genre de chevreuil des Pyrénées. Est-ce qu'on aura le temps de parler du parcours d'exposition? Oui, tout à fait. Au fond, la publication qui est parue aux éditions Paris-Brest, ça s'appelle Le Roc d'Hercé Prologue. Mm-hmm. Donc, il amorce cette histoire de déplacement. Donc, il emprunte les sentiers et puis il se rend à New York avec la traversée. Je le laisse expliquer le choix des images parce que, évidemment, quand on est photographe, il faut faire un choix. Pour l'exposition, pour la publication, il s'explique. Le choix des images, c'était un peu de... Moi, j'aimais beaucoup le format de la salle, donc la galerie européenne a vu. Justement, qui était assez intimiste, qui allait assez bien avec le côté histoire de famille, être proche des images. Les images, le choix, c'était essayer de créer un parcours, un peu comme dans la publication, avec un peu un point de départ, qui est la première image, une silhouette, qui est en fait une fissure sur le Rock d'Hercé à New York, qui donnait l'impression d'un marcheur. J'ai pensé à Giacometti, cette statue du marcheur. Et après, ça, c'est un peu des symboles, chaque image, et l'expo se construit par un point de départ et des motifs qui se répètent avec, mettons, sur un mur, vous avez un chemin ou vous avez un arbre nu, en face, vous allez avoir des branches, des portraits qui résonnent entre eux, des objets également. Donc, j'ai choisi ces images pour qu'aussi le cœur de l'histoire puisse exister en une vingtaine d'images, même si le projet en compte 70. Donc, puis créer surtout un sens de lecture, essayer d'accompagner le spectateur pour qu'il puisse faire sa propre idée de l'histoire, mais aussi avoir assez de matériel pour avoir une idée assez large du projet, vu que c'est quand même une histoire assez complexe. Voilà. Et en même temps, intégrer les images d'archives au milieu, qui peuvent dialoguer avec les images contemporaines. Ah, c'est intéressant. Donc, on rentre vraiment dans la tête du photographe puis les décisions qu'il prend pour ce qu'il expose et ce qu'il décide de pas exposer. Exactement. C'est une exposition assez énigmatique, très sensible. Mm-hmm. Il y a une photographie qui a retenu mon attention. Oui, c'est laquelle ta photographie préférée, Claire Dumoulin? C'est celle avec les bottes anciennes de cuir et les muselières. J'ai senti là l'indice que c'était un objet peut-être authentique. Mm-hmm. Et il m'a expliqué que c'était vraiment un objet qu'il avait emprunté au musée des montreurs d'ours d'Hercé et qu'ils avaient remis au soleil pour les faire vivre. Je le cite, ils voulaient les rendre autonomes, les décontextualiser du musée et les rendre vivants. Donc moi, je trouve ça merveilleux. Sortons les objets du musée. Donc à voir, à vue jusqu'au 2 décembre, le Rock d'Hercé. Merci Claire Dumoulin. Nous, on va rapidement en pause publicitaire. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du blues avec le Tornetta Davis Band. La reine du blues de Détroit chante depuis plus de 30 ans et a partagé la scène avec les plus grands. Aujourd'hui encore, elle livre ses chansons avec une énergie incroyable et chaque fois, le public en redemande. Le 17 novembre, vivez la musique à son meilleur avec le Tornetta Davis Band. Détails au palaismontcalm.ca. L'émission de cinéma Situation Critique, c'est 8 chroniqueurs qui se succèdent au micro pour vous parler des films à l'affiche et de l'actualité cinématographique. Situation Critique, chaque mercredi, 18h30, aussi disponible en balado-diffusion. Une présentation du Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Isabelle de la succursale Saint-Roch vous suggère « La haine qu'on donne », un roman jeunesse d'Angie Thomas. Lorsque son ami Khalil est tué sous ses yeux par un policier trop nerveux, tout devient un véritable combat pour Star. Elle tentera de faire le pont entre sa vie turbulente dans le ghetto et celle autoritaire de l'école privée où elle étudie pour que le jeune homme obtienne justice. Un roman enlevant aux personnages captivants, mais surtout une lecture essentielle pour faire tomber les préjugés. Et Christian, de la succursale du Vieux-Québec, vous propose Breaking News, un thriller signé Frank Chetzing. Un journaliste allemand en pleine déchéance, prêt à tout pour un scoop, lutte pour sa survie, alors qu'il met la main sur des documents compromettants sur les activités des services secrets israéliens. Une plongée dantesque dans le passé de l'État d'Israël. Osez le suspense de l'heure, une aventure littéraire de plus de 1000 pages. Plaisir garanti. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. La science vous inspire, vous intrigue, vous émerveille? Alors Futur Simple est naturellement vôtre. La science vous rebute? Futur Simple est aussi pour vous. Parce qu'à Futur Simple, on ne dévoile pas seulement les découvertes médicales, les préoccupations environnementales et les nouvelles cosmiques. On cultive aussi l'insolite, le surprenant, avec passion et humour. Futur Simple le jeudi, 17h30. Le jeudi 15 novembre, Spira vous invite à la salle multi de Méduse pour la soirée de grande première des courts-métrages réalisés dans le cadre du projet collectif Urgence. Assistez à la projection de 18h30 ou 20h30 pour découvrir 6 documentaires et fictions qui explorent un aspect de l'urgence et qui abordent des sujets qui sont tous, quoique très différents, criants d'actualité. La soirée débutera dès 18h dans le débarcadère de Méduse, transformé en bar pour l'occasion. L'endroit idéal pour prendre un verre en présence des cinéastes. Billets en vente sur lepointdevente.com. Pour plus d'informations, visitez spira.québec. CKRL, communication, culture. Caro, très contente de te retrouver. Allô, Jean-Thiam. Donc, tu es allée faire un tour à Materia pour aller voir l'exposition de, excuse-moi, je cherche le nom, Lindsay Montgomery, et t'es tombée en amour. Écoute, je suis une nouvelle fan invétérée de Lindsay Montgomery. Oui, je vous l'avoue, chers auditeurs et auditrices, c'est vraiment un coup de cœur. J'adore une découverte que je vous incite vraiment à faire, mais bon, en premier lieu, je vais vous en parler. Là, ben oui, hein? Parle-nous-en. Donc, Lindsay Montgomery, c'est une artiste qui fait à la fois de la céramique, de la peinture sur céramique aussi, des marionnettes, du dessin, mais également de la vidéo, de la performance. Bref, quand même assez... Une touche à tout, mais c'est particulièrement la céramique, bien sûr, qu'on voit présentée à Materia, à la fois des assiettes, mais aussi quelques sculptures qui sont présentées là. Moi, je vous dirais ce qu'il y a retenu... Des théières, oui, un petit chaudron, il y a ça, mais vraiment, je vous dirais, ce qui a beaucoup, beaucoup accroché mon regard, ce sont ces fameuses assiettes. Bon, des assiettes. Audrey, oui, mais c'est que l'assiette devient cadre, l'assiette devient tableau. C'est ça, l'assiette est œuvre d'art ici. Et ce qui est impressionnant donc avec cet artiste-là, c'est qu'elle traite de sujets très contemporains, mais avec une esthétique qui nous rappelle des choses du passé. On est dans le Moyen-Âge, on est dans la porcelaine chinoise aussi, pour ceux qui savent. On pense même la porcelaine anglaise bleue, blanche, là, qui copiait la porcelaine chinoise. Les motifs orientaux sont très, très présents. Exactement, il y a ça. Puis elle a d'ailleurs fait une résidence cet été en Chine aussi. Donc, il y a quelques pièces qui se retrouvent dans l'exposition qui sont issues de cette résidence-là. Mais reste qu'une production auparavant de quelques années auparavant qui est présentée aussi là. Mais il y a vraiment une richesse narrative incroyable dans cette œuvre-là parce que ce sont de vraies histoires qui nous sont présentées là, des histoires qui nous rappellent la sorcellerie, qui nous rappellent peut-être même l'Inquisition. Le carnavalesque aussi, on est vraiment dans le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, mais le tarot aussi. Oui. Il y a de l'esthétique du tarot, l'univers du chamanisme aussi autochtone, parce qu'il y a des personnages qui sont en métamorphose, en transformation, des femmes loups, par exemple, ou toutes sortes d'autres personnages qui sont là. Vraiment, par contre... C'est dur, là. OK? On se le cachera pas. Il y a des images qui peuvent être difficiles pour les cœurs plus sensibles. Mais moi, je vous dirais, c'est incroyable la qualité de l'œuvre. À la fois, certaines assiettes sont tout en délicatesse, en simplicité, et d'autres sont travaillées de manière très ornementale aussi. Quand je regardais ça, il y a des éléments plus contemporains, bien sûr, parce que l'artiste cherche à nous parler dans son travail à la fois d'altérité, de féminisme, de religion, de mort, d'environnement, de colonialisme aussi, des relations de pouvoir également. Mais tout ça avec une esthétique plus, plus ancienne. Mais on retrouve là des éléments. Donc, par exemple, une assiette qui nous parle de l'affaire Harvey Weinstein. Vous savez, qui a ce grand producteur hollywoodien. Moi aussi. Donc, à l'origine. Le départ de ce mouvement-là. Exactement. À l'origine de ce mouvement-là, ben, il y a une très grosse. Dans le fond, une très grosse assiette qui est là, Monster Faience Chargetry, OK, qui est en fait une qui reprend l'esthétique des porcelaines chinoises noires et blancs. Très simple, mais qui est en fait un grand personnage, un monstre qui est au bas là, puis qui est, dont on retrouve plusieurs femmes qui sont représentées là, et un peu plus haut, des chaudrons où des espèces de monstres viennent ajouter des femmes. Il y en a même qui mangent la tête de ces femmes-là. Mais c'est, dans le fond, un peu comme ces femmes, ces actrices qui ont été un peu jetées dans les bras de la bête, finalement. Et tout ce milieu hollywoodien qui est aspiré par Weinstein, qui est là, au bas de l'assiette. On peut l'interpréter autrement. Si on le regarde, on pourrait penser à une histoire ancienne d'un monstre quelconque. Ben, oui, c'est ça. On est vraiment dans l'univers du conte. Ces contes qui se veulent également à la fin avec une espèce de portée moralisatrice, des métaphores qui font comprendre des éléments comme ça aux gens qui lisent le conte. Donc, on est un peu dans cet esprit-là aussi. Oui, dans un univers symbolique qui est très, très fort. Le grotesque est aussi très, très fort. Moi, je vous dirais, peut-être pour ceux qui connaissent le travail, ça m'évoque, bien sûr, l'univers de Sherry Boyle, cette grande céramiste canadienne qui a représenté le Canada à la Biennale de Venise déjà, mais aussi le côté naïf de la représentation me rappelle Mario Doucette aussi, cet artiste acadien qui a fait dans la peinture historique. Ouais. Il y a quelque chose de ça aussi qui est là, qui est naïf, qui est, je pense, est quand même très volontaire, mais qui est d'une grande qualité. Ça n'empêche rien, même si c'est naïf, on est vraiment dans une qualité picturale qui est indéniable ici. Vous remarquerez aussi que la présence féminine est quasi totale. Oui. Il y a quelques personnages masculins dans tout ça, mais on est vraiment dans un univers féminin, tout à fait, qui est là, mais vraiment de la sorcellerie, de la femme qui enfante aussi. Mm-hmm. Il y a beaucoup de références à ça, mais on est dans un univers aussi macabre, de l'ordre de l'incantation, diabolique ou ces choses-là. Enfin, je vous dirais, c'est vraiment incroyable. Puis certains monstres aussi qu'on retrouve dans cette imagerie-là me rappellent aussi des cartes géographiques anciennes. Vous savez, de la Nouvelle-France, où on voit, par exemple, le Québec représenté, mais avec des bêtes imaginaires dans l'eau, des espèces de monstres marins. On représentait le danger, mais avec des monstres marins totalement saugrenus, imaginaires, avec des léopards, licornes quelque part au travers de tout ça. Il y a de ça aussi qu'on retrouve dans cette exposition-là. Donc, une artiste vraiment que je vous invite à découvrir, peut-être souligner quelques œuvres magistrales qui m'ont marquée aussi là-dedans. Oui, on veut tes coups de cœur. Hellmouth Charger, donc, qui est cette très grande assiette que vous allez trouver plus au fond du mur, qui est toute travaillée à l'extérieur. Donc, c'est une assiette ovale, mais qui a des motifs de dentelle. De dentelle, exactement, serpentins. En céramique. Mm-hmm. Et cette dentelle-là, vous remarquerez, ce sont des serpents qui se mangent la queue. Donc, quand je vous parlais de symbolique très forte aussi, par rapport à la religion, vous avez aussi tout ça qui est là, avec un symbole qui nous rappelle au centre des femmes et même des hommes qui sont là dans un chaudron en train de brûler. Mais on a cette espèce de femme à droite avec plusieurs bras qui est là. Avec les yeux bandés aussi. Il y a ça dans vraiment cette pièce-là est magistrale. Je pense que c'est la pièce pour moi qui est la plus forte de cette exposition-là, tant symboliquement parlant que techniquement aussi, esthétiquement parlant, elle est magnifique. Donc, une artiste, vous dire, qui vit à Toronto et Montréal, qui enseigne aussi à l'Université de Concordia. Donc, à découvrir, faites un détour, c'est jusqu'au 2 décembre à Materia. C'est à ne pas manquer, vraiment, coup de cœur. Merci beaucoup, Audrey Caro, pour cette belle chronique qui vient du cœur et de l'émerveillement et du coup de foudre, ma foi. Du coup de foudre, oui, je pense que ça se sent dans mon ton. J'espère que je vous avoir donné envie d'y aller parce que vraiment, elle est à découvrir. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde à qui tu n'as pas donné envie d'y aller. Nous, on va aller... moi, je suis allée rapidement, mais ça me donne envie d'y retourner. J'avais déjà le goût d'y retourner, mais ta chronique me donne envie d'y retourner et de prendre une bonne heure là, pour faire le tour parce qu'on se fait raconter des histoires et on a le droit de se laisser porter par ces histoires-là. Nous, on se laisse pour un extrait de Violence de Roboy toujours. Et au retour, Delphine Eggersbard nous parle de ce qui se passe à l'œil de poisson. Delphine Eggersbard, bonsoir. Bonsoir, Gentiane. Donc, t'es allée voir les expositions à l'œil de poisson. Il y a Simon Deroy dans la petite galerie, Dominique Sirois dans la grande galerie et Andréane Jacques dans l'entrée. Donc, je te laisse parler parce qu'il y a beaucoup à dire. Oui, en effet, on peut commencer par la grande galerie avec le travail de Dominique Sirois. Le titre, déjà, est un peu intriguant. Mmh. En fait, ça reprend trois éléments du tableau périodique, le silicium, le néodyme et l'erbium. Elle nous plonge déjà dans un univers avec lequel on est probablement assez peu familier. D'ailleurs, le néodyme et l'erbium, c'est des terres rares, des matériaux plutôt convoités aujourd'hui qui sont rendus indispensables à plusieurs activités industrielles et particulièrement au marché boursier. Dans le domaine de la communication, hein? Les fameux serveurs qui permettent de faire des transactions à haute fréquence pour les marchés boursiers. Parce que Dominique Sirois, elle nous plonge dans l'univers de la finance, mm-hmm. qu'elle explore de diverses manières, mais c'est assez intéressant comment d'emblée... l'univers des nouvelles technologies ou du numérique nous apparaissent comme des technologies qui sont immatérielles. C'est ça. Et là, elle nous plonge dans la matérialité de ces technologies-là. Absolument. Elle nous la rend tangible. Elle nous la fait apparaître à la fois par les matières qui entrent dans la composition de ces technologies-là, les dispositifs qui sont nécessaires ou les infrastructures qui sont nécessaires à ces marchés-là pour pouvoir opérer ou par cette industrie-là pour qu'on puisse... Un peu comme la finance rend l'argent immatériel. Donc, il y a comme des parallèles à faire aussi, là. Ben oui, absolument. Puis cet argent-là qu'on a de la difficulté peut-être à concevoir de manière claire aujourd'hui, parce que parfois, c'est des sommes absolument astronomiques. Oui, c'est de la spéculation, parfois. Exact, ça devient complètement abstrait. Et c'est... notamment ce qu'elle nous donne à voir dans son exposition. Donc, dès à l'entrée, là, on voit des pièces de céramique qui reprennent la forme de serveurs, mais des serveurs déformés, qui se présentent presque comme des vestiges de notre ère ou des potentiels vestiges. Mm-hmm. Si on s'imagine dans le contexte d'une archéologie dans le futur, là, il pourrait rester ça, en fait, de notre ère. Et les serveurs sont... présenté sur des socles très minimalistes, en acier, en verre. Et ces socles-là, en fait, sont un peu un écho aux fameuses étagères grillagées qui servent à stocker ces serveurs-là par dizaines ou par centaines. Et donc, c'est un écho assez minimaliste, mais à ces serveurs-là ou ces fermes de serveurs qui sont indispensables pour pouvoir stocker les données, mais aussi pour pouvoir opérer ces fameuses transactions des marchés boursiers. Et elle nous rend tangibles ces fameuses terres rares qu'elle évoque par son titre, en les utilisant entre autres dans les glaçures qu'elle utilise pour couvrir les céramiques. Donc, le néodyme et l'erbium qui, dans le fond, font partie de la fabrication de ces serveurs. Exactement, dans les composés chimiques qui permettent de faire fonctionner ces nouvelles technologies. Mais Dominique Serrois, elle explore aussi l'univers de la finance comme un théâtre affectif. Donc, il y a plusieurs figures, plusieurs personnages aussi qui cohabitent dans l'espace de la galerie, à commencer par la figure de l'avare qui apparaît presque comme un corps fossilisé sur un socle de céramique blanche. Et je dis fossilisé parce que ce corps-là a une apparence un peu minérale. C'est comme si le corps de l'avare en était venu à se transformer en la matière même qui convoite. Mais il y a aussi plusieurs autres personnages, plusieurs autres figures qui sont à proximité. En fait, justement, cette figure-là sur le socle de céramique blanche se place juste devant un très grand rideau noir. Oui, en vinyle. Oui, en vinyle, c'est ça. C'est un rideau de soudure qu'on trouve dans les ateliers de soudure. Et ça fait écho au masque de soudeur qu'on trouve au mur pas très loin. Donc, ça fait une présentation quand même plutôt théâtrale avec ce grand rideau noir derrière l'avare sur son socle blanc. Et pas très loin... on retrouve les contours du corps de Danaé. Danaé, on la représente souvent dans les tableaux avec une pluie d'or. Oui, elle a été inséminée par une pluie d'or. Zeus l'a inséminée sous la forme d'une pluie d'or parce qu'elle avait été enfermée dans une tour par son père. Oui, en effet. Elle cite plusieurs autres formes dans ses dessins, particulièrement les panneaux solaires, la fibre optique, donc des technologies qui utilisent ces fameuses tailles. Et le silicium. Je propose qu'on passe maintenant peut-être à la petite galerie. Oui, avec Simon de Roy, donc c'est le prix tombé dans l'œil, je pense. Hein? Oui, exact. Lauréat du prix tombé dans l'œil à l'exposition des finissants qui a eu lieu au printemps dernier. Simon de Roy utilise la vidéo vraiment comme son médium de prédilection. Et par le biais de la vidéo ou de la photographie, souvent, il adopte une posture narrative, il rejoue des scènes de films en s'inspirant du cinéma amateur. Il a souvent recours à l'utilisation de costumes, de perruques, de maquillage, et c'est vraiment cette approche-là qu'on retrouve dans l'exposition, dans la petite galerie. C'est une œuvre vidéo qui se présente un peu comme un ensemble de scénettes qui sont jouées, entre autres, par Simon de Roy, mais plusieurs acolytes également. Et les scènes se chevauchent un peu dans une esthétique de découpage ou de collage. Il y a plusieurs scènes qui se déroulent simultanément sans lien apparent au sein du cadre. Et cette esthétique-là du collage, elle est vraiment inspirée par les collages de celui qu'il nomme son ami Facebook, une personne qu'il a rencontrée au fil de ses recherches sur le réseau social, qui est un personnage plutôt prolifique parce qu'il a publié près de 1700 dessins sur une période de 4 ans. Et il y a plusieurs éléments récurrents dans ces collages, dont la figure de Freddy Krueger, qui est une figure incontournable du cinéma de l'horreur, mais qui est repris par Simon de Roy dans les vidéos qu'il joue. Mais c'est un peu un Freddy Krueger bricolé, là, avec masque et griffes à la main. Et il s'inspire vraiment de l'univers visuel de cet ami Facebook avec qui il tente d'établir une relation plus intime. Et il tente un peu de traduire l'inconfort que peut présenter le fait de soumettre ses dessins ou ses œuvres au regard de l'autre par le fait de se placer lui-même dans des situations inconfortables, comme par exemple chanter. Mais c'est assez intéressant de voir qu'il le fait tout de même sous un masque. Et ça, pour moi, il y a un écho quand même entre l'identité qu'on se construit sur un réseau social et... Oui, puis le côté anonyme des interactions. Oui, tout à fait, parce qu'il porte justement un masque. Mm-hmm. Donc, on n'est pas certain que c'est effectivement Simon de Roy qui joue ces scénettes-là jusqu'à la toute fin où il retire son masque. Et en terminant, quelques mots sur l'entrée qui est occupée par André-Anne Jacques, qui a créé une très délicate vague qui déferle dans l'entrée de l'œil de poisson. C'est doux, hein? C'est très, très doux. Vraiment, très enveloppant aussi. En fait, c'est une immersion dans l'installation, puisque les spectateurs, les visiteurs, les visiteuses passent au travers de l'installation. Absolument. Ici, c'est une installation qui est sérigraphiée, donc il y a des mètres et des mètres de papier qui sont suspendus du plafond qu'on traverse. Et on retrouve l'approche d'André-Anne Jacques qui travaille beaucoup avec l'accumulation, la répétition du geste, du motif. En effet. Mais ici, elle a quand même exploité l'entrée vidéo dans une perspective d'exploration, d'expérimentation, parce que contrairement à son approche habituelle, on n'est pas dans le noir, le blanc, le gris, on est vraiment dans une exploration de la couleur, ce qui est tout à fait inhabituel pour elle, et aussi dans une approche installative et même dans une approche sonore, parce qu'il y a une ambiance sonore qui accompagne l'installation. Oh, j'avais pas remarqué, moi je suis juste allée au vernissage, donc c'est quoi l'ambiance sonore? En fait, c'est vraiment inspiré du bruit des vagues, hein, marée haute, on voit quand même la source d'inspiration du travail, mais elle a fait plusieurs captations sonores de l'eau, des vagues, mais finalement, le son qu'elle trouvait le plus intéressant, c'est le son du papier même qui imite celui des vagues, qui donc il y a quand même une redondance entre le matériau de l'installation et l'ambiance sonore. Donc, des parallèles à faire entre le matériau du papier et l'aspect très, très marin aussi qu'elle recherche dans son travail. Et j'ai trouvé aussi, en même temps, qu'il y avait quelque chose de très aérien, évidemment, parce Absolument. Que notre passage fait bouger le papier. Donc, dans ce mouvement-là, c'est très, très aérien. Donc, on a vraiment une belle proposition d'André-Anne Jacques dans l'entrée de l'œil de poisson, Dominique Sirois dans la grande galerie de l'œil de poisson et Simon de Roy dans la petite galerie. Donc, le prix tombé dans l'œil. Merci beaucoup, Delphine Agazabar. Ça m'a fait plaisir. Donc, c'est présenté jusqu'au 2 décembre. Donc, nous, on se laisse pour une petite pause audio. Donc, cette semaine, Simon Roy nous propose de découvrir un extrait de Les carcasses de tôle, donc de l'artiste Ombre, qui était de passage à CKRL lundi et qui, c'est un groupe, en fait, qui font un spectacle ce soir dès 20h pour le lancement de leur album au Maestrum. Donc, si ça vous intéresse, cet extrait, courir au Maelstrom dès 20h. We'll be right back.